بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on reprend inshallah, on continue sur la deuxième partie sur le livre de la description de la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et justement le premier cours qu'on fait concernant l'apprentissage, puisque dans les chapitres qui vont venir ensuite il y aura le chapitre concernant la mention et la citation des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal, d'Al-Asma al-Husna, et d'essayer de les apprendre. Donc apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal et le premier cours qu'on fait concernant les noms et les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ça va nous aider justement à trouver de la quiétude et de la concentration dans notre prière. Pourquoi ? Puisqu'ensuite, le lecteur du Coran, par exemple celui qui récite le Coran, ou bien qui écoute la récitation du Coran, vous savez, certains savants sont d'avis, ils disent que celui qui écoute la récitation du Coran, il a la récompense de celui qui récite. C'est l'avis de certains savants, comme c'est rapporté de certains savants. Lorsque, par exemple, vous écoutez le Coran et vous écoutez la lecture d'un récitateur, certains savants considèrent que celui qui écoute cette récitation du Coran, il a la récompense aussi du récitateur. Il a la même récompense que le récitateur. Et donc, de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal, ça nous permet de méditer. Et ça nous permet d'estimer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Si vous ne connaissez pas Allah Azza wa Jal, comment vous voulez l'estimer à sa juste valeur ? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Allah nous dit dans le Coran, et n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Dites-moi s'il y a une autre solution pour estimer Allah Azza wa Jal à sa juste valeur que d'apprendre à le connaître. Les savants disent que pour estimer Allah à sa juste valeur, il faut le connaître. Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment connaître Allah ? Par l'étude de ses noms et de ses attributs. Et lorsqu'ensuite vous allez entendre dans le Coran, wa huwa al-alim ul-hakim, wa huwa al-aziz ul-hakim, wa huwa al-latif ul-khabir, vous allez entendre la mention des noms d'Allah Azza wa Jal, vous allez comprendre c'est qui Al-Latif. Vous allez comprendre c'est qui Al-Khabir. Vous allez comprendre c'est qui Al-Samir, Al-Basir. Et là, la yastawi n'est pas comparable. Al-Ladhi ya'lam ou Al-Ladhi la ya'lam n'est pas comparable. Celui qui va comprendre l'essence et celui qui ne comprend pas l'essence. Et donc dans votre récitation du Coran, ou dans votre écoute, lorsque vous écoutez la récitation du Coran, vous entendez des passages, la fin des versets souvent, avec la mention des noms parfaits d'Allah Azza wa Jal, là, le cœur du croyant frémit. Lorsque le nom d'Allah Azza wa Jal est évoqué. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah dit, c'est qui les vrais croyants ? Les vrais croyants, réellement, c'est qui ? Allah dit, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Vous savez, en arabe, إِنَّمَا أَدَاتُ حَصْرُ C'est un outil de restriction chez les linguistes arabes. Ça sous-entend une restriction. Et Allah Azza wa Jal dit, on peut traduire en français, certainement, الْمُؤْمِنُونَ Les vrais croyants, c'est qui ? C'est ceux que lorsque le nom d'Allah Azza wa Jal, إِذَا ذُكَرَ اللَّهُ Lorsque Allah est évoqué, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Leur cœur, ça y est. Le cœur, je ne pourrais pas vous donner une traduction littérale, parce qu'il faut connaître le tafsir, mais wajilat qulubuhum, leur cœur, ça y est, frémit. Leur cœur frémit. Taïb. Et donc ça nous aide, la première partie du cours, ça nous aide aussi pour apprendre la concentration dans la prière, lorsqu'on entend la récitation du Coran. Tawakafna, la dernière fois on s'est arrêté, à la mention d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. C'est pour ça que cette œuvre, l'œuvre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin concernant la description de la prière, elle est très bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mention des textes, de la parole du Créateur et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait conclu la fois dernière en mentionnant le hadith lorsqu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najah » Yom al-Qiyama. Celui qui préserve sa prière, elle sera pour lui le jour de la rétribution, une lumière, un argument, Et on pourrait dire An-Naja, c'est le sauvetage, le fait qu'elle sera une sauvegarde pour lui. Et ici, ça, le hadith a été traduit qu'elle sera pour lui, cette prière-là, c'est quelle page la traduction ? Voilà, la traduction, on s'est arrêté sur la traduction de ce hadith. Voilà, que celle-ci, Al-Muhim, elle sera lumière, lumière, Burhan, argument, et Naja. Naja, ils l'ont traduit par salut. C'est-à-dire, elle est une cause pour la sauvegarde, pour être sauvé. An-Naja, c'est le fait d'être sauvé. C'est le fait d'être sauvé. Yenju, comme il est dit dans la parole, Laysa min al-ajab man halak kayfa halak walakin al-ajab man naja kayfa naja. Dans une parole, très belle parole qui est dite, c'est pas étonnant. Celui qui a péri, comment est-ce qu'il a péri ? Mais ce qui était étonnant, c'est celui qui a été sauvé, comment est-ce qu'il a été sauvé ? Comment est-ce qu'il a été sauvé ? En période de trouble, celui qui tombe dans les troubles, on voit qu'il fait le fitan, c'est pas étonnant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période de propagation des troubles. Donc celui qui va tomber dans les troubles et les fitan, et dans la séduction de Shaitan, en période de séduction, c'est pas étonnant. Walakin al-ajab, kull al-ajab, man naja, fa kayfa naja. Mais l'étonnant, c'est celui qui a été sauvé. Comment est-ce qu'il a fait pour être sauvé ? C'est ça le plus étonnant. An-Naja, la prière le jour de la résurrection, le prophète Sansam nous dit qu'elle sera lumière, qu'elle sera un argument et qu'elle sera Naja. Le jour de la rétribution, pour qui ? Pour celui qui préserve cette prière. Ensuite, Shir, il nous dit que, et elle est expiation des péchés. Elle est expiation aussi, absolution des péchés. Et une purification des fautes. Et on avait conclu avec cet immense hadith, qu'il faut souvent se faire le rappel de ce hadith. Rappelez-vous, lorsqu'on avait conclu en disant que le prophète Sansam a dit, pensez, vous, que si une rivière passait devant votre maison, et que chaque jour, vous vous y laviez 5 fois dans cette maison, il resterait sur vous de la saleté, de l'impureté. Alors les compagnons dirent, oh non, il ne resterait rien. Alors le prophète sallam de dire, c'est la même chose pour les 5 prières. Allah efface par ses prières les fautes. Et ce hadith, il est rapporté dans les 2 authentiques. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Il a nawasil al-kalam. قال المصنف رحمه الله تعالى والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى غسلا فيكون نقيا بها من الذنوب. Et dans ce cinquième point, puisqu'on est toujours au cinquième point, concernant les bienfaits de la prière. Dans un autre hadith, le prophète Ansem nous dit, les 5 prières et la prière du vendredi, d'un vendredi à un autre, expient les fautes commises entre ces dernières. C'est-à-dire, les 5 prières, ou bien la prière du vendredi jusqu'à l'autre vendredi, comme dit le prophète, as-salawatul khams, ou al-jumu'atu et al-jumu'a. Les fautes commises entre cet intervalle-là, entre le jumu'a ou al-jumu'a, ou les 5 prières, le salawat al-khams, le prophète sallam nous dit qu'il y a expiation de ces fautes commises entre elles. Expiation des fautes. Comme il est dit dans le récit, les 5 prières et la prière du Jumu'a d'un vendredi à un autre expient les fautes commises entre ces dernières. Tant que ne commet pas de gros péchés, de grands péchés, pardon. Tant qu'on n'a pas commis, tant qu'on a évité, on s'est écarté de al-kaba'ir, ce qu'on appelle les grands péchés. Les péchés capitaux. C'est-à-dire, ce qui est en dehors du kabir, des grands péchés capitaux, pourquoi ? Parce que pour les grands péchés capitaux, il faut de taouba. Il faut s'en repentir. Mais imaginez-vous toutes les fautes qu'on fait à côté. Toutes les fautes qu'on fait à côté. Et bien dites-vous que chaque prière, les fautes qu'on fait dans l'intervalle de ces prières, les fautes qu'on fait, elles sont expiées. Vous avez vu la récompense immense ? On l'oublie, hein ? D'un Jumu'ah à un autre vendredi, vous avez vu ? Toutes les fautes qu'on fait, eh ben elles sont expiées, ces fautes-là. Mais il faut éviter le kaba'ir. Le kaba'ir, il faut demander pardon. Par exemple, an-namima, ça fait partie des petites fautes ou des grandes fautes, des grands péchés capitaux ? Ça fait partie des grands péchés capitaux. Ça fait partie des grands péchés capitaux. Souvent, il faut se faire le rappel. Pourquoi ? Parce qu'on tombe très vite dans le namima. Le Nabi Sassam, dans le hadith, il dit « La yatrulul jannah an-namam » Celui qui fait la calomnie, il ne rentre pas au paradis. Et ça fait partie des causes du châtiment de l'enfer. Celui qui ne se préserve pas de son urine, fait pas attention à son urine, et c'est lui qui colporte. Parce que namima, c'est colporter des paroles pour semer la discorde. Et ça, on peut tomber constamment. On peut tomber constamment dans ces péchés-là. Jusqu'à ce que certains savants nous disent, en ce sens de Namima, parmi la Taouba, c'est de demander pardon aux personnes à qui on a fait du mal avec nos propos. Par exemple, le riba. Le fait qu'on a dit des choses sur une tierce personne qu'il n'aura pas aimé entendre. Puisqu'un jour, le prophète a dit à ses compagnons, « Atadrouna mal riba ?» قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره. Prophète a dit à ses compagnons, vous savez ce que c'est la médisance, le riba? Les compagnons disent, Allah et son messager savent mieux. ذكرك اخاك بما يكره, c'est évoquer ton frère d'une chose qu'il n'aimerait pas entendre alors qu'il est absent. Ils ont dit au prophète, يا رسول الله افما رايت ان كان فيه ما اقول ارايت ان كان فيه ما اقول. Oh messager, t'as vu, mais si ce que je dis c'est vrai sur lui. قال صلى الله عليه وسلم اذا كان فيه ما تقول فقد اختبت وان لم يكن فيه ما تقول فقد باهت. Si ce que tu dis c'est vrai, tu as commis la médisance. Mais si ce que tu dis c'est pas vrai, tu as commis al-buhtan, un mensonge effronté. Vous savez, les savants disent souvent il y a des péchés quand ils touchent le droit d'un individu, il faut réparer le péché. C'est ce qu'on appelle la réparation du péché. Alors souvent, nous on dit, par exemple, lorsqu'on a colporté des paroles, on a fait du mal, on a fait le riba, on a médit sur une personne, souvent on dit, oui mais, si ça fait la fitna, en lui disant que j'ai parlé sur toi, j'ai dit des mauvaises paroles sur toi, alors on peut ne pas s'excuser, parce qu'à la base il faut réparer. Comment on répare pour la médisance? Il faut lui dire. Comment on répare? Il faut lui dire. Mais on connaît la parole de certains savants qui disent, si on sait qu'en lui disant ça va créer un plus grand mal, on lui dit pas. Fah Naram. Mais les savants disent, à la base, il faut réparer, il faut lui dire. Et donc, on lui dit pas si on est sûr que ça va faire le fitna. Mais c'est pas dans tous les cas que ça va faire la fitna. Vous pouvez voir une personne, vous avez parlé sur lui, vous lui dites, excuse-moi, hier j'étais dans une assise, ça parlait de toi et j'ai parlé sur toi. Peut-être il va pas mal le prendre. Peut-être qu'il va te dire, je te pardonne. Donc, on est dans une situation où on est sûr que ça va créer un plus grand mal. Naram, on ne crée pas le plus grand mal. Mais dans une situation où ça ne va pas créer un plus grand mal en lui disant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui demander pardon. Il faut lui demander pardon. Ouais, d'accord, l'ulama. Et ça, c'est la parole des savants. Allah Ida Nukmil. Donc on s'était fait un rappel sur il y a les petits péchés, As-Sarair, et les grands péchés. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que parmi les bienfaits dans ce hadith-là, de la prière, c'est que dans l'intervalle qu'il y a entre chaque prière, le temps qu'il y a entre chaque prière, les fautes commises sont expiées. C'est ce qu'on appelle kafarat as-sagha'ir wal-khataya wal-dhunub. Il y a expiation des péchés. Comme aussi al-jumu'ah et l'al-jumu'ah. Al-jumu'ah et l'al-jumu'ah. Du vendredi et au vendredi. Il y a même un hadith sur la umrah. Une umrah faite, accomplie, eh ben, c'est une expiation des péchés entre une autre umrah. Par exemple, un petit pèlerinage. Regardez ses mérites. Et ça, ça nous fait réfléchir sur la grandeur et l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est immense, ces actions-là. Enfin, قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال فهذه الصلوات الخمس تغسل الذنوب لمن صلى غسلا. Donc regardez ce qu'il dit. Il dit les cinq prières, elles lavent, elles nous nettoient des péchés. Des péchés. Ghaslan, d'un véritable nettoyage. Fayakunu naqiyan biha min adh-dhunub. Et donc ensuite, lui, il est purifié de ses péchés. Vous avez vu là, les bienfaits de la prière, comme le hadith précédent qu'on a cité, comme celui, par exemple, qui cinq fois par jour, il se lave dans une rivière, qui serait face à ou devant sa maison. Une personne qui a une rivière devant chez lui, et cinq fois par jour, il se lave dans cette rivière. Imaginez-vous comment il va être nettoyé. Eh ben, cinq prières par jour, il est nettoyé de ses fautes, comme nous enseigne le prophète en somme. Thumma qala al-musannif. وما يحصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان واحد. Parmi les bienfaits, le sixième bienfait. On est rentré dans le sixième bienfait concernant la prière. ما يحصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين. Le bienfait de la prière, qu'il y a aussi dans la prière en commun. Le fait que les croyants se rencontrent. Ils font connaissance. Et ça rappelle la parole d'un shir, la parole d'un savant, qui disait que les bienfaits, par exemple, de la personne qui habite à proximité d'une mosquée, le fait de venir à pied. Vous connaissez, il y a de nombreux bienfaits. Et parmi les causes et les bienfaits, les sagesses qu'il y a en cela, le fait que les gens, le fait qu'ils viennent à pied, s'ils habitent à proximité de la mosquée, c'est très bénéfique de venir à pied par rapport à chaque pas qu'ils vont faire, mais aussi, certains savants ont dit parmi les sagesses, le fait que les gens fassent connaissance les uns les autres. C'est pour ça qu'ils ont dit, le fait qu'ils viennent à pied, eh ben les gens, a fortiori, font connaissance les uns les autres. Les gens d'un même quartier, lorsqu'ils se rendent à la mosquée, eh ben le but, c'est les relations sociales. Et donc, la prière pratiquée en commun, ça aide aux bonnes relations sociales et aux relations humaines. Voilà. Et même le cheikh, regardez ce qu'il va dire. Même le cheikh Ibn Al-Asaymin va le dire. Il dit, « Ma yarsul fi salat al-jama'ati min ijtima'i al-muslimin alayha » fi makan wahid. Ils vont tous se réunir dans un seul lieu. Baytullah. Qala wa husul at-ta'aruf wa at-ta'aluf baynahum wa ta'lim al-jahil wa tanbih al-ghafil wa izhar ash-sha'air al-islamiyya wa ghayraha min al-masalih al-'azima. Et regardez le fait qu'on se réunit pour prier. Parmi ces bienfaits là, il dit le fait at-ta'aruf, le fait de se connaître les uns les autres. Donc vous avez vu, le fait de venir à la mosquée, parmi ses bienfaits, parmi les sagesses, pourquoi Allah Azza wa Jalla a légiféré cette prière en commun, fi bayt min buyutillah, le fait de apprendre à se connaître. C'est pour cela, la froideur, il faut éviter toute forme de froideur. On est là pour apprendre à se connaître, connaître les autres, qui est une vie sociale. Parmi les sagesses aussi, at-ta'aluf baynahum. Et qu'ensuite, ça crée une cohésion. Que les gens, ensuite, à force de se connaître à la mosquée, yarsul at-ta'aluf. At-ta'aluf, c'est l'ijtima. C'est l'union. La fraternité. Et donc ça, on peut comprendre à travers les paroles des savants, ça fait partie des sagesses pour laquelle aussi, en salat ma'al-jama'a, était légiféré. C'est pas, on vient prier, Mais il y a des choses aussi. C'est pour apprendre à se connaître. C'est pour se connaître. C'est pour s'unir. C'est pour qu'il y ait une cohésion sociale. C'est pour qu'il y ait une vie sociale dans la mosquée. Vous avez vu, par exemple, le bienfait lorsqu'une personne décède. Que les gens demandent après lui. Ensuite, ils vont prier sur lui. Il était, par exemple, connu dans le quartier. Il va pas finir tout seul. Il y a des gens, ils meurent, personne ne sont au courant. Il n'y a personne qui prie sur eux, malheureusement. Regardez le bienfait de cette vie sociale. La personne, il est malade, les gens sont au courant, lui rendent visite. Ensuite, s'il décède, les gens vont venir prier pour lui. Il était connu, des gens du quartier, ils vont faire la prière pour lui. Et donc, il va invoquer la miséricorde d'Allah pour lui. Et parmi les bienfaits de la prière en commun, le fait que celui qui est ignorant, il va apprendre la religion. Il va commencer à apprendre à la mosquée. Ta'lim al-jahil. Wa tanbih al-ghafil. Et celui qui est insouciant, qui est distrait, il aura du rappel dans la mosquée. Wa idhar al-sha'air al-islam. Et parmi les bienfaits, al-sha'air al-islamiyya. Que les rites islamiques et religieux sont apparents à la mosquée. Ça fait partie des bienfaits que nous cite Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen de la prière. Wa ghayriha min al-masalih al-azima. Et dit autre parmi les bienfaits de celle-ci. Sabi'an, ça c'était le sixième point. Septième point, il dit wa annaha silatun bayna al-musalli wa rabbi. Parmi les bienfaits de cette prière, c'est le lien qu'il y a entre lui et son Seigneur. Cette prière-là le lie à son Seigneur. C'est immense. Cette prière-là, c'est le lien qu'il y a entre toi et ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. فَالْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ إِسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني أو حمدني عبدي. Il va commencer à évoquer le hadith. On va conclure sur ça. Lorsque le serviteur se lève, se met debout, il s'oriente vers la Qibla. Il commence à prier son Créateur. Il va commencer à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il va dire louange au Seigneur de l'univers. À ce moment-là, Allah dit « Mon serviteur m'a loué. » Mon serviteur m'a loué. Ensuite, il va dire « Ar-Rahmani Ar-Rahim. » Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. « Qala Allahu ta'ala athna alayya abdi. » Mon serviteur m'a fait l'éloge. M'a fait les éloges. « Maliki yawmiddin. » Qala majjadani abdi. » Et lorsqu'il dit « Maliki yawmiddin. » Le souverain du jour de la rétribution, c'est toujours approximatif à traduction. Allah dit, m'a glorifié, une traduction relative, hein. Mon serviteur, Majjadani. Vous avez vu cette sorte de dialogue qu'il y a? On continuera à la fin de ce récit dans la prochaine assise. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.